qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mère promet mont et merveille. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. » Fin de la fable numéro 2. Le berger et la mère. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La mouche et la fourmi. Fable 3 des fables de La Fontaine. Livre 4e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Oh, Jupiter !» dit la première. « Faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal ? Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté, une femme allant en conquête, c'est un agissement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit ? Lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce qu'on sert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas, et je sais que d'un prompt trépas, cette importunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rend joli. J'en conviens, il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces autres pensées. Les mouches de cour sont chassées. Les mouchards sont pendus. Et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par mont ni par veau, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire se remplit à babiller. Fin de la fable 3. La mouche et la fourmi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jardinier et son seigneur. Fable 4 des fables de La Fontaine. Livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Nuntei. Un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manon, possédait en certain village un jardin assez propre et le clos. Maintenant, il avait des plombs vifs, fermés. Cette étendue la croissait plaisir, l'oser, et la tue. De quoi faire un margot pour sa fête à bouquet, pour le jasmin d'Espagne, et fort surpalé. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit que seigneur du bourg, notre homme se plaignit, ce maudit animal vient prendre sa goulée. « Soir et matin, » dit-il, « et des pièges se rient, lui pierre les bâtons, et perdent leur crédit. Et les sorciers, je crois. Sorciers, je l'en défie. Repartit le seigneur. Fut-il diable à Méro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en deferai, bon homme sur ma vie, et quand, il est demain, sans tarder plus longtemps, la partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, de Jeannot, dit-il au poulet, sont tendre, la fille du logis, qu'on vous voit approcher, quand la marierons-nous, quand aurons-nous des gendres, bonhomme, c'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez qu'il faut fouiller à l'escarcelle, disons ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, la fait asseoir, prend du mène, un bras, lève un coin du mouchoir, se tisse dans la belle, se défend avec grand respect, tant qu'au père la fin, cela devient suspect, cependant, on fracasse, on se rue en cuisine, de quand sont vos jambons, ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous, vraiment, dit le seigneur, je les reçois, et de bon cœur, une de gens très bien, aussi fait sa famille, chien, chevaux et balais, toujours bien, non doté, il commande chez l'autre et prend des libertés, poisson vin caresse sa fille, l'embarras des chasseurs succède au déjeuner, chacun s'anime et se prépare, les trompes et les corps font ta tête de barre. Que le bonhomme est étonné, le pis fut que l'on mit en petit équipage, le pauvre potager a du planche carreau, a du chécaré et poireau, a dû de quoi mettre au potage, le lièvre était jeté du soir à maître chou, on les quête, on les lance, ils s'enfuient par un trou, non par trou, mais doré, arrive les larges plaies, que l'on fit à la pauvre haie, par ordre du seigneur, car il était mal, qu'on ne put du jardin, sortir tout à cheval, le bonhomme disait, ce sont l'âge de prince, mais on ne le sait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps qu'on en aurait fait en 100 ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous, de recourir au roi, vous serez des grands fous, il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ne les faire entrer sur vos terres. Fin de la fable 4. Le jardinier et son seigneur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et le petit chien. Fable 5. Des fables de La Fontaine. Livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Philippa Willis. L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas ressembler à l'âne de la fable, qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon avec monsieur, avec madame. Et j'aurai des coups de bâton. Que fait-il? Il donne la patte. Puis aussitôt il est baisé. Si l'on faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte aux mentions fort, amoureusement. Non sans accompagner, pour plus grand ornement, de son chant gracieux cette action hardie. Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie, dit le maître aussitôt. Hola, Martin, va-t'en encore. L'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Fin de la fable 5. L'âne et le petit chien. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le combat des rats et des belettes. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ève. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les portes étreintes de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes, de leur part, déployèrent l'étendard, si l'on croit la renommée. La victoire balança, plus d'un guerrier s'engraissa, de sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits, sur le peuple souricois. Sa déroute fut entière, quoique pût faire Artarpax, Psycarpax, Méridarpax, qui, tout couverts de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine, ils fallurent céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines, les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur. Cela causa leur malheur, trou ni fente ni crevasse ne fut assez large pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale jonchée fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Fin de la fable 6, le combat des rats et des belettes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le dauphin. Fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Claude Kovofarki. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage singes et chiens de bateleurs. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand, par hasard, il lui demande « Êtes-vous d'Athènes, la grande ?»« Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-mère. » Le dauphin dit « Bien grand merci. » Et le pirée à part aussi à l'honneur de votre présence? Vous le voyez souvent, je pense. Tous les jours, il est mon ami, c'est une vieille connaissance. Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient vos girards pour Rome, et qui, quelque temps au plus dru, parle de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête,

s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Fin de la fable 10, Le chameau et les bâtons flottants. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La grenouille et le rat. Fable 11 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Tel, comme dit Merlin, cuit d'ingénier autrui qui souvent s'engeigne soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessin que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue « Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. » Mais si rat promit soudain, il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, sans raretés à voir le long du marécage. Un jour il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attachée. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà dans son esprit la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque, il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un Milan qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Fin de la fable 11. La grenouille et le rat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tribute envoyée par les animaux à Alexandre. Fable 12 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Michael Cadillac. Tribute envoyée par les animaux à Alexandre. Une fable avait cours parmi l'Antiquité, et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité, voici la fable toute nue. La renommée ayant dit en 100 lieues qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que, sans plus attendre, tout peuple à ses pieds s'allât rendre, quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux, les républiques des oiseaux, la déesse aux 100 bouches, dis-je, ayant mis partout la terreur. En publiant l'édit du nouvel empereur, les animaux, et toute espèce lige, de son seul appétit, crurent que cette fois il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert, tous quittent leur tanière. Après divers avis, on résout, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, le singe en fut chargé. L'on eut écrit ce qu'on voulait qu'il fût dit. Le seul tribut l'éteint en peine, car que donner? Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant, qui, possédant dans son domaine des mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin se mirent, avec le singe, ambassadeur nouveau. La caravane rencontre enfin en un passage Monseigneur le lion, cela ne leur plut point. « Nous nous rencontrons tout à point, dit-il, et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part, mais bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. obligez-moi de me faire la grâce que d'emporter chacun un quart. Ce ne vous sera une charge trop grande, et j'en serai plus libre et bien plus en état en cas que les voleurs attaquent notre bande et que l'on en vienne au combat. » Et conduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, et, malgré le héros de Jupiter issu, faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré, tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diaprées, où maint mouton cherchait sa vie, séjour du frais, véritable patrie des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, qu'à ses gens il se plaignit d'être malade. « Continuez votre ambassade, dit-il, je sens un feu qui me brûle en dedans, et je veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps, rendez-moi mon argent, j'en puis avoir affaire. » On déballe, et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie, « Que de filles ! Oh Dieu ! Mes pièces de monnaie ont produites ! Voyez, la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère ! Le croix m'en appartient !» Il prit tout là-dessus, ou bien, s'il ne prit tout, il en demeura guère. Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter, on dit qu'ils se plaignirent, et n'en eurent point de raison. Qu'eût-il fait, c'eût été lion contre lion? Et le proverbe dit, corsaire à corsaire, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires. Fin de la fable 12. Tribut envoyé par les animaux à Alexandre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fable de La Fontaine. Livre quatrième de Jean de La Fontaine. Fable, le cheval s'étant voulu venger du cerf. Des fables de La Fontaine. Livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Dikaios. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de gland se contentait, âne, cheval et mule aux forêts habitaient. Et l'on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnais pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas, tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent, avec un cerf plein de vitesse. Et ne pouvant attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos, que le cerf ne fut pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme, son bienfaiteur, disant « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, dit l'homme, il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc. » Vous serez bien traité, et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que faire la bonne chair, quand on n'a pas la liberté? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie. Mais il n'était plus temps, déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut en traînant son lien, sage s'il eût remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien. Sans qui les autres ne sont rien. Fin de la fable. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. Des fables de La Fontaine. Livre quatrième. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et le buste. Fable 14 des fables de La Fontaine. Livre quatrième. Enregistré pour LibriVox.org par Jason Mayoff. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle point, combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ?» Fin de la fable 14. Le renard et le buste.

Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineau, et ne me tends plus de panneau. Tu te trouverais mal d'un pareil stratagème. Je vois de loin, j'atteins de même. Fin de la fable 19, l'oracle et l'impie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'avare qui a perdu son trésor. Fable 20 des fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici haut, comme lui, vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on l'eût pris de bien courte à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrie. « C'est mon trésor que l'on m'a pris. »« Votre trésor ? Où pris ?»« Tout joignant cette pierre. » « Hé, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine épuiser à toute heure. »« À toute heure, bon Dieu! Ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. »« Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez une pierre à la place, elle vous voudra tout autant. » Fin de la fable 20. L'avare qui a perdu son trésor. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'œil du maître. Fable 21 des fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org, par Pascal. Un cerf s'étant sauvé dans une étable à bœufs, fut d'abord averti par eux qu'il chercha un meilleur asile. Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas, je vous enseignerai les pâtis des plus gras. Ce service vous peut quelque jour être utile, et vous n'en aurez point regret. Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire et prend courage. Sur le soir on apporte herbes fraîches et fourrage, comme l'on faisait tous les jours. L'on va, l'on vient, les valets font cent tours. L'intendant même, et pas un d'aventure, n'aperçut ni corps ni ramure, ni cerf enfin. L'habitant des forêts rend déjà grâce aux bœufs, attend dans cette étable que chacun, retournant au travail de Cérès, il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit « Cela va bien. Mais quoi ? L'homme ou son yeux n'a pas fait sa revue. Je crains fort pour toi sa venue. Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. » Là-dessus, le maître entre et vient faire sa ronde. « Qu'est-ce ceci ? Dit-il à son monde. « Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille. Allez vite au grenier. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées ? Ne saurait-on ranger ses joues et ses colliers ? En regardant à tout, il voit une autre tête que celle qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu. Chacun prend un épieu, chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas, dont maint voisin s'est joui d'être. Phèdre, sur ce sujet, dit fort élégamment, « Il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrai encore l'œil de l'amant. » Fin de la fable 21, l'œil du maître. Cet enregistrement fait partie du domaine public. « L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Fable 22 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Claude Kovofarki. Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstre marin au fond de l'onde, tigre dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour, mûrs avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor, de mille soins divers l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle, écoutez bien. Selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ses blés sont mûrs, dit-il. Allez chez nos amis les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain, dès la pointe du jour. Notre alouette, de retour, trouve en alarme sa couvée. L'un commence. Il a dit que l'aurore levée l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive et d'amis, point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. « Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir, ainsi lent. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. » L'épouvante est au nid plus forte que jamais. « Il a dit ses parents, mère, c'est à 7 heures. »« Non, mes enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. » L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la 3e fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions des deux mains chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. » Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits, en même temps voletant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Fin de la fable 22. L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Fin des fables de La Fontaine, livre 4e. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et la mère. Fable 2 des Fables de La Fontaine, livre 4e, enregistré pour LibriVox.org par Pascal. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite.